Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Vraiment, il est bon d'aimer Jésus-Christ. C'est la seule personne que nous avons à aimer beaucoup trop dans ce monde, plus que toute autre personne. Alléluia! Yeah! Que sa grâce et sa paix soient sur nous. Quelle joie de vous retrouver, amis auditeurs, amis auditrices, chers parents et serviteurs de Dieu parmi les enfants, tous serviteurs de Dieu à l'écoute. Nous sommes heureux de renouer avec vous pour méditer la parole de Dieu. J'aime Jésus. Nous sommes à notre émission. Méditons ensemble, ça fait bon les amis. Méditons ensemble, ça fait bon les amis. Que quelque chose va se passer, quelque chose de bien nouveau, quelque chose de bien pour tout. Méditons ensemble, ça fait bon les amis. Méditons ensemble, savez-vous les amis, quelque chose va se passer, quelque chose de bien pour vous, quelque chose de bien pour tous. Oui, nous sommes à Méditons ensemble, émission de la LLB, entendez toujours par là, la ligne pour la lecture de la Bible. À ce microphone, votre serviteur de ce jour, l'évangéliste pasteur des enfants, présenté par notre enfant qui s'appelle... Je m'appelle Zéré Paul Nathan Ivan. J'ai 5 ans, je suis en classe de CPN. Je vais vous dire le nom de notre animateur. Il s'appelle Yoré-Séry Richard. Merci mon fils. Nous sommes ce jour avec de merveilleux enfants qui nous viennent... De la mission évangélique José et Caleb. Je m'appelle Obou Kekame Dorcas. J'ai 13 ans. Je suis en classe de 6e. La mission évangélique José et Caleb est située à Yopougon, Nyango Sud. Je me nomme Sato Trifène. J'ai 13 ans. Je suis en classe de 4e. La mission évangélique José et Caleb est dirigée par le révérend prophète Aoumo Michel et sa merveilleuse épouse, Maman Sophie Déborah. Je me nomme Quadio Eliel Hans Ivan. J'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2. Je salue nos vaillantes monitrices. Je salue les membres du Conseil national de la LLB et nos fidèles auditeurs et auditrices. Les autres enfants se présenteront au fur et à mesure qu'ils prendront la parole. Notre texte de méditation se trouve dans le lecteur cadet 2020 et les enfants. Avant de méditer, on doit faire quoi? Je m'appelle Zéré Paul Nacol Ivan. J'ai 5 ans. Je suis en classe de CPE. Avant de méditer, on prie. Avant de méditer, on prie. Acclamation pour le petit Ivan. Dans le psaume 119, verset 18, nous avons un bel exemple de prière. Notre fils qui s'appelle... Quadio Eliel Hans Ivan va nous lire le psaume 119, verset 18. Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. psaume 119, verset 18. Psaume que nous chantons en compagnie du chantre de l'Éternel de la mission Jésus-Caleb. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, pour contempler les merveilles de ta loi. Jean chapitre 4, du verset 23 au verset 26, qui sera lu de façon spéciale pour renforcer aussi les capacités intellectuelles de nos enfants. J'aime Jésus. Verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Merci notre fils pour la belle lecture de ce verset 23. Déjà, qu'est-ce que nous pouvons dire? Qui est en train de parler ici? Dorcas, c'est Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Très bien, Dorcas. Éliel, Jésus parle à une femme de Samarie. Le Seigneur Jésus parle avec une femme de Samarie. On peut dire encore, il parle avec une... Samaritaine. Une Samaritaine. Acclamation pour Éliel. Quel est le passage qui nous permet de dire que le Seigneur parle avec une femme Samaritaine? Monita Chantre Bogus Gédéon, étudiant en licence de droit, c'est le passage de Jean 4, le verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Dans ce passage de Jean chapitre 4, verset 23, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à la femme samaritaine? Je me nomme Blewane Sherina, j'ai 10 ans, je suis en classe de CM1. Dieu dit à la femme samaritaine que l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Merci ma fille. Bonjour chers parents, chers moniteurs et monitrices, serviteurs et servantes de Dieu. Parmi les enfants, bien-aimés révérends, que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec chacun de nous. Nous méditons ensemble avec le lecteur cadet, accompagné de ces merveilleux enfants qui nous viennent de la mission Josué et Caleb de Yopougon, Niangon Sud. Le passage du jour, Jean chapitre 4, du verset 23 au verset 26. Les enfants, au verset 23 donc, le Seigneur dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure est déjà venue. Qu'est-ce qu'on met à la fin de venue? L'heure est déjà venue. Chérina, à la fin de venue, on met U. Alors ma fille, pourquoi mets-tu U à la fin de venue? L'heure est venue et elle est déjà venue. Tu dis que tu mets U. Pourquoi tu mets U à la fin de venue? J'ai entendu le mot venue, c'est à cause de ça que j'ai mis U à la fin. Très bien. Alors, chers amis auditeurs, amis auditrices, est-ce que vous êtes d'accord avec notre petite qui s'appelle... Sherina. Sherina est au CM1. Elle dit, comme elle a entendu venu, elle a entendu U à la fin, alors elle met U à la fin. Qu'est-ce que va nous répondre notre fille Dorcas qui est en sixième? On met E à la fin de venu. Pourquoi? Son frère Eliel va l'aider à donner la raison. expliquer pourquoi on met E à la fin de venu. L'heure vient et elle est déjà venue. Parce que venu est devenu un adjectif qualificatif et son sujet est l'heure. L'heure est au féminin. Donc l'adjectif qualificatif se mettra aussi au féminin. L'heure est déjà venue. Venu. On met E. Alors, notre fils, oui, d'accord pour ton explication. Donc, venu est un verbe qui est devenu au passé. Composé, c'est devenu un adjectif qualificatif. C'est donc un participe passé pris comme un adjectif qualificatif. Il qualifie le nom auquel il se rapporte. Et ici, il se rapporte à quel nom? L'heure. L'heure. Et quelle est la nature de heure? Nom commun. Nom commun de choses féminin, singulier. Acclamation pour le petit Ariel. L'heure est déjà venue. Alors, le Seigneur parle de quelle heure? Quelle est cette heure qui est déjà venue? Et il le dit en même temps à nous tous qui sommes en train de lire cette histoire. Je me nomme Bobby Jean Esaïe, j'ai 6 ans, je suis au classe de CP1. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Nous bénissons notre Dieu pour notre petit Jean Esaïe. Quelque chose va se passer à cette heure. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien dans le verset 23. L'heure est venue et elle est déjà venue où quelque chose va se passer. L'heure est venue et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les enfants, quelle est la nature et la fonction de les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité? Dorcas, nature, groupe nominal. Acclamation pour elle. Très bien, ma fille. Fonction, masculin pluriel. Aïe, aïe, aïe, aïe, tu as mélangé, ma fille. Ah, nyawa, yeah, nyawa, yeah. Tu as trouvé la nature, groupe de mots. Maintenant, dans la nature, il y a le genre. Ça, c'est le genre, groupe de mots. Il reste maintenant le nombre. Tu as trouvé, c'est masculin pluriel, mais tu as dit fonction. Alors maintenant, quelle est la fonction de les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité? La fonction, complément circonstanciel de temps. L'heure, quelle heure? L'heure où les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Nous continuons l'étude de ce merveilleux passage. Nous sommes à Jean, chapitre 4, verset 24. Lecture avec... Donc, à 6e verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui l'adorent, qu'est-ce qu'on met à la fin de adore? Autrement dit, adore s'écrit. Je me nomme Kwadjo Afre Grace Emmanuela. Je suis en classe de CM1. J'ai 11 ans. Adore s'écrit. A-D-O-R. Notre fille s'arrête à R. Et certainement, beaucoup d'enfants vont écrire comme elle. Il y en a même qui vont mettre ES. Nyawa, yé, nyawa, yé, nayo, nyawa, yé, nyawa, yé. Vraiment, prenons cela au sérieux. Alors, notre fille qui s'appelle... Sherina. Sherina nous donne la bonne orthographe, c'est-à-dire la bonne façon d'écrire adore. Adore s'écrit A-D-O-R-E-N-T. Acclamation pour elle. Alors, le Seigneur Jésus dit à la femme samaritaine que Dieu est... Esprit. Oui, Dieu est esprit. Alors, comme Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer comment? En esprit. Et? En vérité. Acclamation pour Jésus. Les adorateurs que Dieu veut. Les vrais adorateurs que Dieu veut. Les vrais adorateurs que le Seigneur Jésus veut. Sont ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Papa, maman, est-ce que tu comprends ça? Serviteur de Dieu parmi les enfants, moniteur, monitrice, est-ce que tu comprends ça? Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Oui, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité parce que Dieu est... Esprit. Il est esprit, ça veut dire qu'on ne le voit pas. Alors, toi qui as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, t'adores Dieu en esprit et en vérité. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, on doit voir Dieu. Qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Donc, ton comportement, tout ce que tu fais, ça doit montrer que tu aimes Dieu. Alléluia! Acclamons notre Dieu. Alors, chers parents, chers moniteurs, et chers serviteurs de Dieu parmi les enfants, chers révérends, lorsque le Seigneur dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité parce que Dieu est esprit, ça veut dire qu'il y a... Les faux adorateurs. Qu'il y a de faux adorateurs. Donc, faux adorateur est quoi par rapport à vrai adorateur? Faux adorateur, c'est le contraire de vrai adorateur. Faux adorateurs contre de vrais adorateurs. Ça veut dire quoi? Dorcas, faux adorateurs, c'est ceux qui n'adorent pas Jésus. Et les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent Jésus. Nous prenons l'explication de ton frère. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent Jésus en vérité. Mais les faux adorateurs, c'est ceux qui font semblant d'aimer Jésus. Merci mon fils. Notre maman Dorcas, directrice de l'Écodim de la mission Josué et Caleb, nous donne son explication. Je me nomme Obru Albertine Dorcas, responsable des moniteurs de la mission évangéliste Josué et Caleb. Les vrais adorateurs sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Les faux adorateurs sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui font ce qu'ils veulent. Jacques, chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bon entendeur, salut! Notre fille Dorcas poursuit la lecture au verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. J'aime. Jésus. Merci ma fille. Alors, la femme samaritaine, quand le Seigneur lui dit, Dieu est esprit et que les vrais adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, la femme samaritaine, qu'est-ce qu'elle a répondu au Seigneur Jésus, notre fils qui s'appelle Éliel? La femme samaritaine répondit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Merci mon fils. Alors ça veut dire quoi? La femme samaritaine dit, oui, ce que tu dis est vrai. Mais ça, c'est quand le Messie va venir qu'il va nous dire tout. Ça veut dire que la femme samaritaine ne sait pas que... Moniteur Gédéon, la femme samaritaine ne sait pas que c'est le Messie qui lui parle. La femme samaritaine ne sait pas que c'est le Messie même qui est en train de lui parler. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre comme leçon ici? Ça, c'est la question numéro 7 de notre lecteur de la Bible. Quelle est la vérité que le Seigneur veut apprendre à la femme samaritaine? Moi qui suis en train de parler, je suis le... Messie. Ou le Christ. Et c'est comme cela que beaucoup de personnes encore dans le monde attendent un autre Christ. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Christ. Il est déjà venu dans le monde et il reviendra. Il y en a qui attendent un autre Christ. Mais là, dans la parole de Dieu, dans la Bible, Jésus est déjà venu en chair et en os. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre délivrance et il nous a envoyé le... Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Nous terminons la lecture, donc le verset 26 avec notre fils qui s'appelle Éliel. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors, lorsque le Seigneur Jésus dit à la femme samaritaine, je le suis, moi qui te parle, il est en train de dire une autre grande vérité à tous les idolâtres, à tous ceux qui adorent Dieu comme eux-mêmes. Ils veulent. Que l'heure est venue où ils ne doivent plus. Ça nous fait penser à un chant. Nanana. Marche, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Femme samaritaine, tu as longtemps cherché, tu as longtemps adoré les fétiches, l'heure est venue où tu dois devenir une vraie adoratrice de Dieu, où tu dois abandonner tes fétiches. Alors, ça veut dire que toi qui te dis serviteur de Dieu, si l'amour de l'argent est encore en toi, niawa, yeah, niawa, yeah. Si l'impudicité est encore en toi, niawa, yeah, niawa, yeah. Et si quoi encore? Si le péché te domine encore, il est donc temps d'abandonner. Jésus est là. La parole de Dieu est là. Jésus vit en esprit et en vérité. Il a donné le Saint-Esprit pour nous transformer. Alors, tu peux appeler là-haut parce que Jésus est toujours sur la bonne ligne. Jésus est sur la bonne ligne. Bonne ligne, dis-lui ce que tu veux. Alléluia. Jésus est sur la bonne ligne. Bonne ligne. Dis-lui ce que tu veux. Appelle là-haut. Allô, téléphone là-haut. Jésus, dis-lui ce que tu veux. Appelle là-haut. Allô, téléphone là-haut. Jésus, dis-lui ce que tu veux. Nous prions avec notre fils Éliel, d'après ce que tu as entendu de la méditation. Jean, chapitre 4, des versets 23 au 26. Le Seigneur qui parlait avec la femme samaritaine, alors qu'est-ce que toi, tu veux dire au Seigneur Jésus? Seigneur, aide-nous à abandonner nos fétiches, Seigneur. Aide-nous à abandonner tout ce qui est mauvais. Seigneur, je te demande de nous aider pour que nous puissions t'adorer en esprit. T'adorer en esprit et en vérité. Au nom de Jésus. Amen. Qui est content? Qui est content? C'est moi. Oui, nous avons été très contents d'être avec vous, avec ces merveilleux enfants de la mission Josué et Caleb. Grand merci au révérend prophète Aouman. Merci à chacun de vous, amis auditeurs, amis auditrices, chers révérends, chers serviteurs de Dieu parmi les enfants. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Alléluia. Si vous voulez participer à cette émission, enregistrée par nous, votre serviteur, évangéliste Nia Oresiri Richard dit j'aime Jésus en tant que famille, école de dimanche, club biblique, veuillez appeler au 45 75 46 48 45 75 46 48 ou au 08 13 23 46 08 13 23 46 à mercredi prochain par la grâce de Dieu. Youhou! Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.